prendra le temps, le moment grand, le plus tôt sera le mieux, laissez-moi devenir vieux. Pour un moment, on se passe dans le miroir des âges. Et ce, le temps de vivre aux anges, les maladies sont si douloureuses. Les ruptures de sentiments sont comme des blessures de sang. Nous n'avons plus vraiment guère le temps. Nous sommes tous assoiffés de joie, avec le talon de l'amour. Nous sommes tous à la recherche de la beauté, de la divine nouveauté de chaque jour. Je vois toutes les maisons se dissoudre, le vent devenir comme la foudre. C'est brûlé dans cette lumière et la lumière envahir partout. Je vois quelqu'un briser et prendre confiance en nous. C'est la lumière, toutes les choses se tiennent. Car la lumière ne peut porter. Il faudra bien vous habituer. Il faut faire confiance aux sages et laisser rire les enfants. Ouvrir aux pauvres gens l'immensité des champs et laisser galoper le pourcent.